step parcours. Je n'ai pas besoin d'amour. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Non, je n'ai pas besoin d'amour. Plein zéro dans mes négos, jamais sans mes négros. Un papier grave dans mon bigot, un chiche noir dans les mégots. Violent sur mes négros, impatient sur mes négros. Prends de l'argent, tu des négros, intelligent sur mes négros. On passe l'échec épuisant, comme Hamar qui a pris 10 ans. Pas loin qu'on est puissant, pas moi je n'ai puissant. Je suis de banlieue, je suis des hautes scènes. J'ai un des plus potentiels, je n'ai qu'un train, je suis un corsaire. Je n'ai qu'un train, je suis un sorcel. Mes soldats, les demoiselles, la hazla. Dieu de vaquer, la cheveux noire, Dieu noisette. Juste elle et moi dans la navette. Parfait, je ne suis pas. Si t'es pas gang, ne me suis pas. Prends plus fort, qui ne tue pas. Mes adversaires sont trop tubas. Je n'ai qu'une vie. Je la saigne, je la saigne. Comme j'ai saigné tous mes ennemis. Je n'ai qu'une vie. Elle m'a tout pris, elle m'a tout pris. Ce que j'aimais, son mieux merci. Africaine de la main-d'oeuvre, Soviète de la main-d'oeuvre. J'ai la race sous des pardeurs. Texte, je suis en Asie, nique ta mère, elle est basée. Lamborghini, Ferrari, nique ta mère, elle est basée. Yallah, on a cubé, je préfère tirer que de scuter. Tu crois que tu vas briller sur qui? T'auras pas besoin de qui? Je n'ai qu'une vie.